L'ambassade coréenne à Cuba a organisé le 15 courant un banquet à l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il. Y ont été invités le membre du bureau politique du comité central du Parti communiste cubain, premier vice-ministre et chef d'état-major général des forces armées révolutionnaires, les cadres du parti, du gouvernement, de l'armée, des organisations et des établissements, ainsi que d'autres personnalités de l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Y étaient présents l'ambassadeur coréen et ses collaborateurs.